Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le retour au pouvoir de Maurice Duplessis en 1944 et le vrai début du duplessisme. Ce sont ces garanties de stabilité, ce sont ces garanties de sécurité que nous voulons garder en restant maigres chez nous. Le meilleur moyen d'y conserver, c'est faire des lois à Québec par Québec et pour Québec et non pas d'être à l'arbre d'aucun parti fédéral quel qu'il soit. Maurice Duplessis, lors d'un discours prononcé à Trois-Rivières le 21 avril 1948, c'est en champion de l'autonomie provinciale que Maurice Duplessis va se présenter aux Québécois tout au long de sa carrière politique. Et c'est ce nationalisme de Duplessis qui va d'ailleurs en partie expliquer ses nombreux succès électoraux et son exceptionnelle longévité politique. D'abord élu en 1936, Maurice Duplessis va perdre le pouvoir en 1939 pour le reconquérir en 1944 et ne plus jamais l'abandonner jusqu'à sa mort. En 1959. Bah, je crois qu'à première vue, qu'il faut le voir d'abord comme un homme qui prolonge le passé. On peut analyser à peu près tous les aspects de son activité, sa législation, ses discours surtout, pour constater que à peu près tout cela n'est que la répétition de thèmes qui sont, enfin, je dirais dans certains cas, presque aussi vieux que notre société elle-même. Quand Duplessis exalte l'agriculteur, quand il prétend que notre système scolaire est le meilleur du monde, et bien d'autres thèmes de genre, à ce moment-là, il ne fait que répéter ce qu'on retrouve chez des politiciens du début du siècle, qui par ailleurs étaient libéraux, mais ce sont exactement les mêmes thèmes. Je pense qu'il a symbolisé en ce sens une sorte de division, de césure dans la société québécoise entre des intellectuels, des littérateurs, des doctrinaires, etc., et une grande partie de la population qui, elle aussi, comme Duplessis, au fond, se trouvait un peu assise entre deux chaises, entre un héritage du passé et puis des décisions nouvelles à prendre par rapport à l'avenir. Le sociologue Fernand Dumont à l'émission Format 60 le 5 septembre 1969. Pour nous parler des années Duplessis, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, auteur du livre La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Il reprend le pouvoir en 1944, Maurice Duplessis. Est-ce que le Duplessis de 1944 est le même homme que celui qui a perdu le pouvoir en 1939? Non, effectivement, Duplessis a beaucoup changé. D'abord, il était très malade. Il se découvre une passion pour le diabète. Il arrête de boire. On boit du jus d'orange à profusion, semble-t-il. Nouvel homme et qui comprend... Parce que ça marchait plus, là. Non, il pouvait pas durer, ça pouvait pas durer longtemps. Ça pouvait pas. Bon. Et Duplessis arrive en 44, assez solide. Il y a la conscription, les libéraux, et on le voit bien dans l'extrait, hein, il parle bien de parti à la remorque d'Ottawa. Le Parti libéral du Québec est une succursale d'Ottawa. Donc, ouais. Duplessis dit, moi, je n'ai pas les mains liées, je suis indépendant, je suis du Québec avec les Québécois. Et ça, ça va te servir beaucoup. Donc, c'est dans la campagne de 44, c'était déjà l'autonomie provinciale, ça ce champion de l'autonomie québécoise. Ça va le suivre, d'ailleurs, durant toute sa carrière. À partir de 48 surtout, mais en 44, déjà, une courte victoire, notamment servie par des comtés ruraux qui sont moins populeux, mais Duplessis peut prendre le pouvoir, donc même si c'est moins de voix en bout de piste... La carte électorale le favorise. Exactement. Oui, puis ça, il va en user. Il ne la changera pas, cette carte électorale-là. Non, évidemment pas. Elle ne changera pas avant 62, évidemment. Ouais. Ça le favorise. Donc, carte électorale favorable, cette carte nationaliste, déjà, en 44, qui va reprendre encore plus fort en 48 dans les élections suivantes. L'anticommunisme aussi, déjà en 44. Ouais. Ça aussi, ça va devenir un thème fort pour expliquer ses succès électoraux par la suite. C'est un des piliers du duplessisme, l'anticommunisme. C'était présent, on l'a vu, à partir de 1936, avec la loi du Canada, tout ça, mais ça, après la guerre, ça devient très, très, très fort. On le sait aux États-Unis, c'est le McCarthyisme au début des années 50. On a peur des communistes, on les voit partout. Tout ce qui ressemble à une vague législation sociale devient suspecte. Duplessis travaille très fort pour dire, ben voilà, les communistes sont partout, ouais. Les bolcheviks sont partout. Il faut faire attention et voter pour l'Union nationale. Nous sommes le dernier rempart contre le communisme. Et ce communisme-là, il menace même... En fait, c'est la culture, c'est l'État québécois qui le menace. Allô? Quoi? Pas le pont de Trois-Rivières? Es-tu fou? Duplessis, un beau matin, est demandé au téléphone. C'est par un monsieur Lorrain qui vient y en apprendre une bonne. C'est que le pont qui porte son nom est tombé dans le Saint-Maurice. Duplessis a leur réponse, ça doit être les communistes. Échec d'argent communiste! Il est réel! Je n'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est que le communiste. Ce sont des athées. Ils n'ont pas de religion. Le jour où le peuple de Québec aura perdu sa foi religieuse, le jour où les théories subversives auront fait pour le peuple de Québec du ciel et des airs, le jour où l'espérance unique que nous donnent nos convictions religieuses sera remplacée par l'athéisme et le matérialisme, c'en est fait de la reste, c'en est fait de la province et c'en est fait du pays. Sur la chanson de Jeanne d'Arc Charlebois, Le pont des Trois-Rivières, qui, vous l'avez entendu, s'amuse de cette anecdote voulant que Maurice Duplessis ait attribué aux communistes l'effondrement du pont en 51. Vous entendiez donc, après, sur cette chanson de Jeanne d'Arc Charlebois, Duplessis, Maurice Duplessis, s'en prendre aux communistes lors d'un discours prononcé à Trois-Rivières, justement, en 1948. Jonathan Livernois, pendant toute sa carrière, Duplessis va afficher un anticommunisme farouche. Ça va se traduire par une haine féroce des syndicats, entre autres. Oui, notamment. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique une telle hargne face au communisme, face au mouvement ouvrier en général? C'est une arme électorale extrêmement puissante. À l'époque, les libéraux sont contre aussi les communistes. On a peur des communistes. Donc, c'est une arme facile à utiliser, d'autant qu'on peut... On ne sait pas trop ce que c'est, les communistes. Et Duplessis va être très, très fort et va réussir à associer le Parti libéral du Québec aux communistes. Dans les années 50, il y a des publicités et les gens finissent par croire que les libéraux, ils sont proches des communistes. Il y en a partout. Jean-Louis Gagnon, notamment, qui est journaliste. Et les syndicalistes, vous l'avez bien dit, notamment Madeleine Parent. Madeleine Parent va être associée à tous ces gens-là. Bon, Madeleine Parent, qui est une syndicaliste importante, qui va militer dans différentes grandes grèves du textile. Et Duplessis, à ce moment-là, va dire, ben voilà, on a un bel exemple ici d'infiltration communiste. Mais est-ce que c'est une tactique, est-ce que ce n'est qu'une tactique politique, électorale, ou si fondamentalement cet homme-là est anticommuniste, comme il semble vouloir le dire? Je ne crois pas qu'il comprenne très bien le communisme. Je pense qu'il est un politicien de son temps, qu'il voit là... Il y a certainement une crainte réelle, mais il voit surtout, à mon avis, un argument électoral très fort. Et tous ceux qui ne sont pas de notre avis sont communistes, au fond. Je vous donne un simple exemple. André Laurendeau, en 1946, est député dans l'opposition. Il est avec le Bloc populaire. Il va dire, à un moment donné, Duplessis, il va dire, écoutez, on est tous contre les communistes, mais dès qu'on parle de logements sociaux, vous dites, les communistes. Ça devient une sorte de tarte à la crème, une façon d'arrêter tous les débats. Et c'est bien ce qu'on constate. Et en fait, on peut probablement dire que son anticommunisme, c'est le reflet de son ultralibéralisme. C'est un libéraliste pur et dur, capitaliste à l'extrême. Et donc, ça veut dire, par exemple, que l'État pour Duplessis, c'est quoi? C'est la police? C'est ça, c'est très peu de choses. C'est simplement là pour aider l'industrie. C'est une présence minimale. C'est un conservateur, Duplessis. Donc, pas d'intervention de l'État? À peu près pas. Ouais. Le moins possible. L'idée, c'est de laisser... Évidemment, on est à la période du keynésianisme, on est à la période de l'État-providence tranquillement qui se développe dans l'après-guerre. Duplessis est encore à une autre époque. Ouais. Dumont le dit bien dans le texte... Pas le texte, mais l'extrait que vous avez présenté tantôt. Duplessis, ce sont des idées du début du 20e. Ouais. Et ça demeure assez tardivement. C'est un vieux libéralisme, notamment. Et c'est de donner... Ça nous revient tout de suite en tête quand on pense à Duplessis, c'est de donner nos ressources naturelles sans à peu près aucune redevance en retour. Là, on a tous en tête ce fameux... la tonne à une scène, la tonne de minerai à une scène. C'est certain que Duplessis va donner donc, ça, des contrats à des grandes compagnies américaines. Linger va donner l'Iron Ore. Mais remarquez que les libéraux, entre 40 et 44, vont faire à peu près la même chose. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise encore dans la province de Québec. Il faut quand même faire attention pour ne pas attaquer Duplessis surtout. Mais il est vrai que le développement, il se fait par les grandes compagnies. Oui. Donc, il ne faut pas les effaroucher non plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures antisyndicales. On veut que les compagnies soient à l'aise. Et ça devient, évidemment, un terrain de jeu extraordinaire pour les grandes compagnies américaines et canadiennes-anglaises, notamment. Messieurs, la province de Québec a maintenant son drapeau. Un drapeau à croix blanche sur champ azur et avec lisse. Et au moment où je vous parle, il flotte déjà sur la tour de notre Parlement. Un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de majorité. C'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est la preuve que nous ne sommes pas en tutelle, que nous ne sommes pas en curatelle. Un drapeau, c'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun, en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. C'est tout ça, un drapeau. Vous entendiez un extrait de la série Duplessis de Denis Arcand et Marc Blanford, diffusé en 1978, suivi d'un discours de Maurice Duplessis qu'on vient tout juste d'entendre à propos du Fleur-de-Lys québécois adopté par le gouvernement de Maurice Duplessis en janvier 1948. Parlons de cette carte nationaliste qui va faire partie du jeu politique de Maurice Duplessis pendant toute sa carrière politique, Jonathan Livernois. Quelle place ça va occuper, le nationalisme de Duplessis dans son succès? Puis de quel nationalisme, de fait, on parle? C'est central. C'est le cœur du duplessisme, le nationalisme. Au fond, le nationalisme de Duplessis, c'est le nationalisme qui repose sur la Constitution de 1867 en disant « Nous avons des pouvoirs, un partage de pouvoirs, il faut le respecter. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le Canada s'est arrogé certains pouvoirs. Donc, Duplessis veut ramener certains pouvoirs de taxation. Il veut défendre la nationalité canadienne-française et, évidemment, sans aller vers l'indépendance. Hein. L'indépendantisme n'existe à peu près pas. Il y a une petite période en 1938-1939 où ça apparaît un peu chez certains politiciens, mais avant les années 50, fin 50, ça n'existe pas vraiment. Ouais. Alors, Duplessis, lui... René Lévesque disait de Duplessis et de son nationalisme que c'est un peu la ligne Maginot derrière laquelle rien ne doit passer. Ça devient la force du duplessisme. Nous ne sommes pas... L'Union nationale n'est pas un parti... associé à Ottawa, nous sommes indépendants. Oui. Et c'est nous qui décidons pour le Québec. Et ça passe par des symboles, comme on vient de l'entendre, le drapeau, en 1948, qui est une inspiration de René Chaloux que Duplessis va lui voler en quelque sorte, ou en tout cas, il va le tirer le tapis en dessous des pieds. Oui. Et toutes sortes de petites mesures, mais aussi toutes sortes de choses importantes, comme le pouvoir de taxation, effectivement, qui va être très important en 1954. Quand il va aller chercher, donc... Bien, c'est ça, c'est que l'impôt, un impôt sur le revenu, on avait perdu ça. Duplessis dit, ben voilà, on prend 15 %. Est-ce que les Québécois ont payé 15 % de plus qu'Ottawa, que les autres Canadiens? Duplessis est habile et comprend bien que Louis Saint-Laurent, qui est premier ministre du Canada à l'époque, a besoin du Québec pour gagner. Alors, il va s'entendre et finalement, ils vont retrancher au départ 10 %. Et ça, c'est un bon exemple de ce qu'il appellera l'autonomie provinciale. Oui, c'est ça. Ça devient sa carte maîtresse, en quelque sorte. Donc... nationalisme à la Duplessis, l'anticommunisme dont on a parlé, cette vision d'un État minimal. Ça fait partie de la formule Duplessis. Il reste que c'est l'histoire de Duplessis de succession de victoires électorales parce qu'il est là très longtemps. Écoutez, il va remporter l'élection de 44, 48, 52, 56. Qu'est-ce qui explique un tel succès électoral pendant tant d'années? Qu'est-ce que les Québécois aiment tant chez cet homme-là? Bien, je pense que le nationalisme, cette idée qu'on a un homme fort devant nous, qui défend nos valeurs, qui nous réconforte aussi. Dumont le disait très, très bien. Les Québécois se sentent à l'aise avec Duplessis. Oui. Ça marche aussi. Les documents électoraux montrent Les routes, hein, ça se développe énormément. Duplessis est le champion de l'infrastructure. Hein, je disais tantôt, l'État intervient pas, mais il va construire beaucoup. Ouais. Avec le baby boom, ils n'ont pas le choix de toute manière. Il va construire tout plein d'écoles, ce qui explique que nos parcs immobiliers maintenant sont très, très anciens. C'est que Duplessis va construire. Et c'est payant électoralement. Ça, c'est une vieille recette. Duplessis en use déjà. Voilà, là, le pont. Les bouts de route qu'on promet à gauche, à droite. Oui. Parlons-en de ça, parce que il y a aussi, quand on fait cette histoire politique du duplessisme, des méthodes électorales qui font sourire aujourd'hui, mais ça veut dire quoi? C'est une machine électorale redoutable, celle de l'Union nationale, mais ça veut dire quoi une campagne électorale de l'Union nationale, Jonathan Livermore? D'abord, c'est des moyens limités ou à peu près, c'est-à-dire que la caisse est là pour les dépenses. Hein. Je vous donne un exemple. En 1956, pour les dépenses de la publicité, on a 9 millions de dollars. C'est à peu près l'équivalent de 70 millions de dollars, juste pour la publicité. Ouais. C'est illimité. Donc, c'est partout. On va récompenser les amis, évidemment. Alors, la caisse va dire, ben oui, vous parlez d'un bout de route, là, c'est pas une légende. C'est vrai. Le développement routier au Québec, par exemple, se fait non pas avec de grands plans. Il n'y a pas de loi statutaire sur... On y va à la pièce pour, justement, s'attirer les sympathies de certains électeurs. Dire, ben oui, on va construire cette route-là. Plus que ça, on fait voter des morts. Ah, ben il y a tout ça, évidemment. Et il faut voir que y a une loi, à un moment donné, c'est-à-dire que les énumérateurs vont aller de porte en porte pour savoir qui est là, qui va voter aux prochaines élections. Duplessis change la chose. C'est un type du gouvernement qui y va. Ben, il peut bien ajouter 23 électeurs dans une maison. Les fameux 23 électeurs vont se retrouver le matin des élections à aller voter. Et après, il faut ralentir le vote parce que la boîte est bourrée de votes pour l'Union nationale. Ouais. Il y a toutes sortes de manières. Les fiers à bras qui sont souvent des agents de la police provinciale déguisés parce que c'est une police, disons, le politique à l'époque. Une anecdote rapidement, on place une voiture à un moment donné devant un bureau de vote. Le type sort de la voiture, barre la porte, s'en va. Alors là, ça retarde le vote pendant de nombreuses heures. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pendant ce temps-là, l'Union nationale remporte des voix. Ouais. Et puis Duplessis, comme homme politique, c'est quelque chose aussi. Comme campaigner, quand il fait campagne. Ah oui, c'est un homme redoutable, c'est un homme avec une mémoire phénoménale. C'est un politicien, c'est un vieux de la vieille. Hein. On pense à certains politiciens de cette époque-là. Je pense un peu à Jean Chrétien par moment. C'est pas la même chose, mais en même temps, c'est une espèce de façon de s'exprimer, d'aller vers les gens, de dire, ben oui, est-ce que tu viens de tel village? Ah oui, est-ce que tu connais telle personne? Ah ben oui, c'est mon cousin. Est-ce qu'il va bien? Duplessis, je dis toujours que Duplessis gère le Québec comme une paroisse. Oui. Tout se résume à des querelles de clôture. C'est notre petite paroisse. Il connaît tout le monde. Oui. Ou fin de connaître tout le monde. Parce qu'il y a des trucs aussi, évidemment. Là. Comme premier ministre, que dire? Quel genre de premier ministre est Maurice Duplessis? Il fait tout. C'est-à-dire que les ministres qu'on connaît encore assez peu d'un point de vue historiographique, on passe très, très vite. La série Duplessis, pour beaucoup de gens, la série d'Arquin et Blanford, a vraiment... pense-t-on couvert le territoire, mais dans les faits, on connaît assez peu ses ministres parce que Duplessis fait tout. Ouais. Les lois, il les présente lui-même. En chambre, il décide à peu près tout. Il interrompt, très autoritaire. Le président de l'Assemblée est surnommé Paillasson. Pourquoi? Parce qu'il donne toujours raison à Duplessis, même sur des articles qui n'existent pas. Et Duplessis va dire, j'invoque tel article. Le président va dire, oui, vous avez raison. Ouais. L'article n'existe même pas. Ouais. Il décide de tout dans la Chambre. Et comprenez que l'opposition est toute petite aussi. Les libéraux sont une dizaine, garde avantage, un peu plus ensuite. Congédie des journalistes qui ne veulent pas voir dans les conférences de presse. Dans la sphère privée, quel genre d'homme il est, Maurice Duplessis? On connaît peu. Évidemment, il est célibataire. On sait qu'il vit la plupart du temps quand il est à Québec, au Château-Frontenac. C'est pas un intellectuel déguisé. Hein. Souvent, on peut se dire est-ce que l'homme dans le privé est un lecteur? Ça a été dit beaucoup, ça, qu'il se cachait pour lire, mais que c'était comme une manière d'intellectuel. C'est un peu vrai, remarquer qu'il se cachait pour lire. Il met pas de l'avant ses lectures. On peut pas dire que c'est un intellectuel. Ouais. J'ai pu moi-même consulter sa bibliothèque. C'est une bibliothèque d'un notable de province, disons, avec des livres intéressants à gauche à droite, mais sans plus. C'est un collectionneur d'art, évidemment pas de l'art moderne, mais beaucoup de Cornelius Grigoff notamment, une bonne collection d'ailleurs qui est toujours au Musée national des beaux-arts à Québec. Mais donc, c'est pas... On sait qu'il aime beaucoup la musique classique. D'ailleurs, il va beaucoup financer les Richard Véraud, les Raoul Jobin, les André Mathieu. Ça, il va donner beaucoup d'argent, mais vous voyez encore, c'est une preuve de l'arbitraire du duplessisme. Il va financer, non pas de manière générale, la culture, mais va financer certains secteurs qu'il privilégie. Oui. On n'a pas encore parlé, et pourtant, c'est central dans sa vie personnelle, puisqu'on parle de la sphère privée, et dans sa vie politique, la religion. Oui. La place que l'Église occupe pour Maurice Duplessis. On écoute d'abord un extrait, puis on en reparle avec vous, Jonathan Livernois. Extrait d'un discours que prononce à Sainte-Anne de la Pocatière en 59, Maurice Duplessis. Je vous rappelle, 59, l'année de son décès, la Révolution tranquille gronde déjà aux portes du Québec. Monseigneur, il me fait plaisir comme premier ministre de la province, comme citoyen, et je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, de remercier notre clergé, le clergé du diocèse, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers de l'enseignement, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. Alors, quelle place occupe la religion et l'Église dans le monde de Maurice Duplessis, Jonathan Liberoy? C'est central, évidemment. Duplessis est un réel croyant, c'est pas un simple argument électoral. Il est conscient de la force de l'Église, ce qui ne veut pas dire que l'Église est un bloc monolithique. On sait qu'il y a toutes sortes de tensions. Il va avoir beaucoup de disputes avec Georges-Henri Lévesque à l'Université Laval, mais il s'entend assez bien avec l'Église, évidemment, qui, eux, occupent les hôpitaux, occupent les écoles qu'il construit. Donc, sa vision... C'est un bon partenaire. C'est un bon partenaire. Je pense que c'est le bon terme. C'est un bon partenaire. Mais comme vous le dites, 59, c'est la fin. C'est le baby boom. On voit bien que ça craque de partout. Duplessis meurt en 59. Est-ce qu'il aurait été élu en 1960? Ouais. C'est une bonne question. Jean Lesage en est convaincu. Il est convaincu, il le dira des années plus tard, oui, Duplessis aurait été réélu en 1960, ouais. Je suis sûr de ça. Et c'est vrai que l'élection de 60, on dit que tout est possible, que l'Union nationale, même après Duplessis, n'était pas battue au départ, mais en même temps, il y a des failles. Là. Ça commence à craquer de partout. Là. Je pense, et ça, c'est les dernières années de Duplessis, le scandale du gaz naturel. Ce qu'il reprochait à Taschereau, au fond, c'est un petit peu ça qu'il a reproduit et qu'on va lui mettre sous le nez. Ah, de plus en plus. Toute cette période est très, très difficile. Le gaz naturel, il ne le sait pas vraiment. Il voit que ses ministres en mènent plutôt large, finalement. Il les dénonce le devoir. Là, il y a toute une opposition qui est de plus en plus forte. Extramuros, hein, c'est pas tant à l'Assemblée que ça se passe, c'est beaucoup à l'extérieur. Cité Libre, évidemment, Radio-Canada, Le Devoir, André Laurendeau, ça s'accumule. Ouais. Mais est-ce que Duplessis aurait été élu? C'est l'histoire fiction, mais on peut le croire quand même en 1960. Mais vous avez raison de le dire, ça craque de partout et voilà. Aujourd'hui, on en est où avec cette incontournable figure de Maurice Duplessis? Connaissance difficile de Duplessis, on en demeure très souvent, on en reste très souvent à des grands mythes, la grande noirceur, la Révolution tranquille. Même si beaucoup d'historiens ont remis ça en question depuis 25 ans, on voit chez les étudiants notamment cette idée de grande noirceur là, qui demeure. On comprend mal Duplessis, je pense. En même temps, ce que je déplore à certains égards, c'est peut-être un retour du balancier. Hein. On a voué aux gémonies Duplessis. Il y a un retour d'une réhabilitation chez certains historiens. Qui me laisse un peu perplexe, dans la mesure où il ne faut absolument pas faire l'impasse sur tous les aspects négatifs de ce duplessisme et tout le côté détestable de ce régime. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. À la rigueur, j'aime mieux un récit un peu héroïque de la Révolution tranquille qu'une réhabilitation de Duplessis a posteriori. Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, auteur du livre « La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme ». Merci beaucoup. Merci, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.